des fois, ou là ou pas quand même songer à rien. L'amour, cabine frappée à si pas ta kaya. Ou t'es flé, dit merci, mais ou pas savez pour qui. Ou qu'on cristallise, bah on chouka sourire. Qui a ou qui trop sensible, chaque à accélérer. Mais pas trouver les mots pour tomber amoureux. Moi n'y assez. Moi v'lé kembe. Moi n'y assez. C'est vous, moi v'lé. Mon cigarette en main en moins. Et les la ninja qui a monté. L'envoi soleil, tu pourrais coucher. Des fois, un rêve en cas contré. Mais ça dirait longtemps. En plein soleil, y'a qu'à trembler. Pas qu'à sentir, y'a qu'à brûler. Ou envahir l'esprit en moi. Et le soleil, y'a qu'à coucher. Là où la ligne, tout peut l'élever. Des fois, en rêve, en cas.